Section 2, chapitre 2 et chapitre 3. Chapitre 2, la rencontre. Le lendemain, au petit jour, Hélène se leva, fit deux petits paquets de provisions, les enveloppa avec le linge et les vêtements des enfants et s'occupa de leur déjeuner. Au lieu de pain sec, qui était leur déjeuner accoutumé, elle y ajouta une tasse de lait chaud. Aussi, quand ils furent éveillés, lavés et habillés, ce repas splendide dissipa la tristesse de Jean et les inquiétudes de Jeannot. La petite fille dormait encore. Le moment de la séparation arriva. Hélène embrassa 10 fois, 100 fois, son cher petit Jean. Elle embrassa Jeannot, les bénit tous deux, et fit voir à Jean plusieurs pièces d'argent qui se trouvaient dans la poche de sa veste. « Ce sont les braves gens, nos bons amis de Kerentré, qui t'ont fait ce petit magot pour reconnaître les petits services que tu leur as rendus, mon petit Jean. Monsieur le curé y a mis aussi sa pièce. » Jean voulut remercier, mais les paroles ne sortaient pas de son gosier. Il embrassa sa mère plus étroitement encore, sanglota un instant, s'arracha de ses bras, essuya ses yeux et se mit en route comme son frère, le sourire sur les lèvres, et sans tourner la tête pour jeter un dernier regard sur sa mère et sur sa demeure. « Je comprends, se dit-il, pourquoi Simon marchait si vite et ne se retournait pas pour nous regarder et nous sourire. Il pleurait, il voulait cacher ses larmes à maman. Pauvre mère, elle ne pleure pas, elle croit que je ne pleure pas non plus, que j'ai du courage, que j'ai le cœur joyeux, tout comme pour Simon. C'est mieux comme ça. Le courage des autres vous en donne. Je serais triste et malheureux si je pensais que maman eut du chagrin de mon départ. Elle croit que je serais heureux, loin d'elle. Calme, gai même, c'est possible. Mais heureux, non. Sa tendresse et ses baisers me manqueront trop. » Pendant que Jean marchait au pas accéléré, qu'il réfléchissait, qu'il se donnait du courage et qu'il s'éloignait rapidement de tout ce que son cœur aimait et regrettait, Jeannot le suivait avec peine, pleurnichait, appelait Jean qui ne l'entendait pas, tremblait de rester en arrière et se désolait de quitter une famille qu'il n'aimait pas, une patrie qu'il ne regrettait pas, pour aller dans une ville qu'il craignait à cause de son étendue, près d'un cousin qu'il connaissait peu et qu'il n'aimait guère. « Je suis sûr que Simon ne va pas vouloir s'occuper de moi, » pensa-t-il. « Il ne songera qu'à Jean, il ne se rendra utile qu'à Jean, et moi je resterai dans un coin, sans que personne veuille bien se charger de me placer. Que je suis donc malheureux, et j'ai toujours été malheureux. À 2 ans, je perds papa en Algérie. À 10 ans, je perds maman. C'est ma tante qui me prend chez elle, la plus grondeuse, la plus maussade de toutes mes tantes. Et ne voilà-t-il pas à présent qu'elle m'envoie me perdre à Paris au lieu de me garder chez elle ? Jean est bien plus heureux, lui. Il est toujours gai, toujours content. Tout le monde l'aime. Chacun lui dit un mot aimable. Et moi, personne ne me regarde seulement. Et quand par hasard on me parle, c'est pour m'appeler pleurard, maussade, ennuyeux et d'autres mots aussi peu aimables. Et on veut que je sois gai. Il y a de quoi, vraiment. Ma bourse est bien garnie. 2 francs que le curé m'a donnés. Et Jean, qui ne sait seulement pas son compte, tant il en a. Tout le monde y a mis quelque chose, a dit ma tante. Je suis bien malheureux. Rien ne me réussit. Tout en réfléchissant et en s'affligeant, Jeannot avait ralenti le pas, sans y songer. Quand le souvenir de sa position lui revint, il leva les yeux, regarda devant, derrière, à droite, à gauche. Il ne vit plus son cousin Jean. La frayeur qu'il ressentit fut si vive que ses jambes tremblèrent sous lui. Il fut obligé de s'arrêter. Il n'eut même pas la force d'appeler. Après quelques instants de cette grande émotion, il retrouva l'usage de ses jambes. Il se mit à courir pour rattraper Jean. La route était étroite, bordée de bois taillis. Elle serpentait beaucoup dans le bois. Jean pouvait donc ne pas être très éloigné sans que Jeannot pût l'apercevoir. Dans un des tournants du chemin, il vit confusément une petite chapelle et il allait la dépasser, toujours courant, soufflant et suant, lorsqu'il s'entendit appeler. Il reconnut la voix de Jean, s'arrêta joyeux mais surpris car il ne le voyait pas. « Jeannot !» répéta la voix de Jean. « Viens, je suis ici !» « Jeannot, où donc es-tu ? Je ne te vois pas !» « Jean, dans la chapelle de Notre-Dame Consolatrice !»« Tiens, » dit Jeannot en entrant, « que fais-tu donc là ?» « Je prie, » répondit Jean. « J'ai prié et je me sens consolé. Je sens comme si Notre-Dame envoyait à maman des consolations et du bonheur. Je vois des traces de larmes dans tes yeux, pauvre Jeannot. Viens prier, tu seras consolé et fortifié comme moi. Jeannot, pour qui veux-tu que je prie? Je n'ai pas de mère. Jean, prie pour ta tante qui t'a gardé 3 ans. Jeannot, bah, ma tante, ce n'est pas la peine. Jean, ce n'est pas bien ce que tu dis là, Jeannot. Prie alors pour toi-même, si tu ne veux pas prier pour les autres. Jeannot, pour moi, c'est bien inutile, je suis malheureux, et quoi que je fasse, je serai toujours malheureux. D'ailleurs, tout m'est égal. Jean, tu n'es malheureux que parce que tu veux l'être. Excepté que j'ai maman et que tu as ma tante, nous sommes absolument de même pour tout. Je me trouve heureux et toi tu te plains de tout. Jeannot, nous ne sommes pas de même. Ainsi, tu as je ne sais combien d'argent et moi je n'ai que 2 francs. Jean, si ton malheur ne tient qu'à ça, je vais bien vite te le faire passer, car je vais partager avec toi. Jeannot, un peu honteux. Non, non, je ne dis pas cela. Ce n'est pas ce que je te demande, ni ce que je voulais. Jean, mais moi, c'est ce que je demande, et c'est ce que je veux. Nous faisons route ensemble, nous arriverons ensemble, et nous resterons ensemble. Il est juste que nous profitions ensemble de la bonté de nos amis. Et sans plus attendre, Jean tira de sa poche la vieille bourse en cuir toute rapiécée qui avait mis sa mère, s'assit à la porte de la chapelle, fit asseoir Jeannot près de lui, vida la bourse dans sa main et commença le partage. « 1 franc pour toi, 1 franc pour moi. » Il continua ainsi jusqu'à ce qu'il eût versé dans les mains de Jeannot la moitié de son trésor, qui montait à 8 francs 25 centimes pour chacun d'eux. Jeannot remercia son cousin avec un peu de confusion. Il prit l'argent, le mit dans sa poche. « J'ai 2 francs de plus que toi, » dit-il. Jean, « comment cela ? J'ai partagé bien exactement. » Jeannot, « parce que j'avais 2 francs que m'a donné le curé. » Jean, « ah, c'est vrai, te voilà donc plus riche que moi. Tu vois bien que tu n'es pas si malheureux que tu le disais. » Jeannot, « je n'en sais rien. J'ai du guignon. Un voleur viendra peut-être m'enlever tout ce que j'ai. » « Tu ne croyais pas être si bon prophète ?» dit une grosse voix derrière les enfants. Les enfants se retournèrent et virent un homme jeune, de grande taille, aux robustes épaules, à la barbe et aux favoris noirs étouffus. Il les examinait attentivement. Jean sauta sur ses pieds et se trouva en face de l'étranger. « Jean, je ne crois pas, monsieur, que vous ayez le cœur de dépouiller de pauvres garçons obligés de quitter leur mère et leur pays pour aller chercher du pain à Paris, parce que leurs parents n'en ont plus à leur donner. » L'étranger ne répondit pas. Il continuait à examiner les enfants. « Jean, au reste, monsieur, voici tout ce que j'ai, 8 francs 25 centimes, que nos amis m'ont donné pour mon voyage. » L'étranger prit l'argent de la main de Jean. « L'étranger, et avec quoi vivras-tu jusqu'à ton arrivée à Paris ?» Jean, « le bon Dieu me donnera de quoi, monsieur, comme il a toujours fait. » « Et toi, » dit l'étranger, en se tournant vers Jeannot, « qu'as-tu à me donner ?» Jeannot, tombant à genoux et pleurant, « je n'ai rien que ce qu'il me faut tout juste pour ne pas mourir de faim, monsieur. Grâce pour mon pauvre argent, grâce au nom de Dieu. » L'étranger, « pas de grâce pour l'ingrat, le lâche, l'avide, le jaloux, j'ai tout entendu, donne vite. » L'étranger mit sa main dans la poche de Jeannot et enleva les 10 francs 25 centimes qui s'y trouvaient. Jeannot se jeta à terre et pleura. « Monsieur, » dit Jean, touché des larmes de son cousin et un peu ému lui-même de la perte de sa fortune, « ayez pitié de lui, rendez-lui son argent. » L'étranger, « pourquoi le rendrai-je à lui et pas à toi ?» Jean, « parce que moi j'ai du courage, monsieur, et lui est faible. C'est le bon Dieu qui nous a fait comme ça. » Ce n'est pas par orgueil que je le dis. L'étranger, tu es un bon et brave petit garçon, et nous en reparlerons tout à l'heure. Où allez-vous? Jean, à Paris, monsieur. L'étranger, c'est donc bien décidé. Et comment y arriverez-vous, sans argent? Oh, monsieur, je n'en suis pas inquiet. De même que nous avons eu le malheur de vous rencontrer, de même nous pouvons rencontrer une bonne âme charitable qui nous viendra en aide. L'étranger sourit et ne put s'empêcher de donner une petite tape amicale sur la joue fraîche de Jean. « L'étranger, ton camarade n'en dit pas autant, ce me semble. » « Jean, c'est qu'il est terrifié, monsieur. Il a toujours peur, ce pauvre Jeannot. » L'étranger, avec ironie. « Ah, il s'appelle Jeannot. Beau nom. Bien porté. Et toi, quel est ton nom ?»« Jean, c'est Jean, monsieur. » L'étranger, « vrai beau nom, celui-là. » et tu me fais l'effet de devoir faire honneur à tes saints patrons. Allons, Jean et Jeannot, marchons. Je vais vous escorter, de peur d'accident. Tiens, mon brave petit Jean, voici tes 8 francs 25 centimes, auxquels j'ajoute 20 francs pour payer ton voyage. Et toi, pleurard, poltron, voici tes 10 francs 25 centimes, auxquels j'ajoute la défense de rien recevoir de Jean. Si j'apprends que tu as encore accepté un partage, tu auras affaire à moi. Suivez-moi, tous deux. Je veux vous faire déjeuner à Auray, dont nous ne sommes pas éloignés. Jean, les yeux brillants de joie et de reconnaissance. « Vous avez bien de la bonté, monsieur. Je suis bien reconnaissant. Je ne sais comment vous remercier, monsieur. » L'étranger. « En mangeant de bon appétit le déjeuner que je vais te donner, mon petit Jean. » Jean. « Tiens, vous dites comme maman, petit Jean. » Et les yeux de petit Jean se mouillèrent de larmes. Chapitre 3. Le voleur se dévoile. Les enfants suivirent l'étranger, Jean remerciant le bon Dieu et la Sainte Vierge de la rencontre d'un si bon, si riche et si généreux voleur, et Jeannot déplorant son guignon et enviant le bonheur de Jean. Pendant le trajet d'une lieue qui séparait la chapelle de la ville, l'étranger chercha à faire causer les enfants, Jean surtout qui lui plaisait singulièrement. Jeannot, mécontent de n'avoir pas eu, comme son cousin, une gratification du voleur, répondait à peine et se plaignait de la fatigue, de la chaleur, de la longueur de la route. L'étranger. « Je ne t'oblige pas à me suivre, pleurnicheur. Reste en arrière, si tu veux. » Jeannot. « Que je reste en arrière pour que les loups me mangent. » L'étranger. « Les loups, au mois de juin, en plein soleil. » Jeannot. « Il n'y a pas de soleil qui tienne. Les loups n'ont pas peur du soleil. On en a vu deux, à Kermadio, il n'y a pas déjà si longtemps. » L'étranger. « Tu as pris des chiens pour des loups. » Jeannot. C'est pas moi seul qui les ai vus, c'est bien d'autres. Un loup énorme, noir, à tête grise, qui n'est pas farouche, et qui a regardé déjeuner le garde, monsieur Daniel, à 20 pas de sa maison. Et puis une grosse louve, grise, qui vous regarde en face, qui vous barre le passage, et qui a la mine d'une bête affamée, toute prête à vous dévorer. L'étranger. C'est la peur qui t'a fait voir tout cela. Toi, Jean, as-tu vu ces terribles bêtes? Jean. Pas moi, monsieur. Mais Jeannot dit vrai. Bien des personnes les ont vues. Un cousin de monsieur le maire qui chassait a vu le loup et a couru après. L'institutrice de mademoiselle a vu la louve, qui l'a suivie longtemps. Et puis Daniel, le garde de monsieur, a rencontré le loup qui a eu peur et qui a traversé à la nage le bras de mer de Kermadio. Après quelques instants de silence et de triomphe pour Jeannot, l'étranger se mit à questionner Jean sur sa mère. L'intérêt qu'il semblait prendre à la conversation enhardit Jean. Il lui dit, avec quelque hésitation, « Monsieur, voudriez-vous me rendre service, mais un bien grand service ?» L'étranger. « Très volontiers, si c'est possible, mon ami. Mais comment me le demandes-tu à moi, que tu connais à peine ?» Jean. « Parce que vous avez l'air très bon, monsieur, et parce que je vois que vous me portez intérêt et que vous serez bien aise d'obliger encore un pauvre garçon que vous avez déjà obligé. » L'étranger, souriant. « Très bien, mon ami, je crois que tu as deviné assez juste. Quel service me demandes-tu ? » Jean. « Voilà, monsieur, c'est de reprendre les 20 francs que vous m'avez donnés et de les porter à maman. Vous lui direz que c'est son petit Jean qui les lui envoie et que c'est vous qui me les avez donnés. » Et Jean cherchait sa bourse pour retirer la pièce d'or. L'étranger. « Attends, mon garçon, laisse tes 20 francs dans ta bourse. Il n'y a pas besoin de te presser. » Et d'abord, puisque je suis un voleur, ne crains-tu pas que je te vole ton argent ? Jean. Oh non, monsieur, d'abord vous n'êtes pas un voleur, puisque vous donnez au lieu de prendre. Et puis, vous seriez un voleur pour tout le monde, que vous ne le seriez jamais pour moi. L'étranger. Pourquoi donc ? Jean. Parce que vous m'avez fait du bien, monsieur. On s'attache aux gens auxquels on a fait du bien, et il me semble qu'on n'a plus jamais envie de leur faire du mal. L'étranger. Écoute, mon brave petit Jean. Je ferai bien volontiers ta commission, mais je ne sais pas où trouver ta mère. Jean. À qui rentrer, monsieur ? Vous demanderez la veuve Hélène, la mère du petit Jean. Tout le monde vous l'indiquera. L'étranger. Mais, mon ami, je ne sais pas où est qui rentrer. Jean. Comment ? Vous ne connaissez pas qui rentrer ? Demandez à Kenisper. Chacun connaît ça. L'étranger. Je ne sais pas davantage où est Kenisper. Jean. Vous ne connaissez pas Kenisper ? Près d'Auray et de Sainte-Anne ? L'étranger. Je ne connais rien de tout cela. Jean. ni le sanctuaire de Madame Sainte-Anne ? L'étranger, ni le sanctuaire. Jean, ni la fontaine miraculeuse de Madame Sainte-Anne ? L'étranger, ni la fontaine, ni rien de Madame Sainte-Anne. Jean, mais vous n'êtes donc pas du pays, monsieur ? L'étranger, non, je ne suis arrivé qu'hier soir. Je suis descendu à Auray, à l'hôtel, et je me promenais pour voir le pays, qui m'a semblé joli, lorsque je t'ai vu entrer à la chapelle. Je t'y ai suivi, et je me suis placé dans un coin obscur. Tu priais avec tant de ferveur, et tu pleurais si amèrement, que j'ai de suite pris intérêt à toi. Tu as parlé haut en priant, et ce que tu disais a augmenté cet intérêt. Ton cousin est venu, j'ai entendu votre conversation, j'ai fait le voleur pour vous donner une leçon de prudence. Il ne faut jamais compter son argent sur les grandes routes, ni dans les auberges, ni devant des inconnus. Je viens dans le pays pour voir l'église de Sainte-Anne qui va être reconstruite. Je veux voir le vieux sanctuaire avant qu'on le détruise. Jean, j'avais donc raison, vous n'êtes pas un voleur. Je l'avais deviné bien vite à votre mine. Mais monsieur, puisque vous restez dans le pays, voulez-vous tout de même donner à maman les 20 francs que voici ? Jean lui tendit les 20 francs. L'étranger sembla hésiter, mais il les prit, les remit dans sa poche et serra la main de Jean en disant « Ils seront fidèlement remis, je te le promets. »« Merci, monsieur, » répondit Jean, tout joyeux. Ils continuèrent leur route, Jean gaiement, l'étranger, avec une satisfaction visible et témoignant une grande complaisance pour son petit protégé. Jeannot, triste et ennuyé du guignon qui le poursuivait et qui le mettait toujours au-dessous de Jean. « Voyez, » pensa-t-il, « cet étranger, qui ne le connaît pas plus qu'il ne me connaît, se prend de goût pour lui, et moi, il ne m'aime pas. Il appelle Jean mon ami, mon brave garçon, et moi, pleurard, pleurnicheur, jaloux. Il cause avec Jean, il semblerait qu'ils se connaissent depuis des années. Et moi, il ne me parle pas, il ne me regarde seulement pas. C'est tout de même contrariant. Cela m'ennuie à la fin. À Paris, je tâcherai de me séparer de Jean et de me placer de mon côté. » Ils arrivèrent à la ville. Il était 10 heures. L'étranger les mena à l'hôtel où il était descendu. Il fit servir un déjeuner bien simple mais copieux. Ils mangèrent du gigot à l'ail, une omelette au lard, de la salade et ils burent du cidre. Quand le repas fut terminé, l'étranger se leva. « Jean, dit-il, quand tu seras à Paris, tu viendras me voir. Je te laisserai mon adresse. J'y serai dans 8 jours. Où logeras-tu ? » Jean. « Je n'en sais rien, monsieur. C'est comme le bon Dieu voudra. » L'étranger. « Où demeure ton frère, Simon ? » Jean. « Rue Saint-Honoré, numéro 263. » L'étranger. « C'est bien, je ne l'oublierai pas. Montre-moi donc ta bourse, que je vois si ton compte y est. » Jean la lui présenta, sans méfiance. « Jean, dit l'étranger, veux-tu me faire un présent ? » Jean. « Bien volontiers, monsieur, si j'avais seulement quelque chose à vous offrir. » L'étranger. « Eh bien, donne-moi ta bourse, je te donnerai une des miennes. » Jean. « Très volontiers, monsieur, si cela vous fait plaisir. Elle n'est malheureusement pas très neuve. C'est monsieur le curé qui l'a donnée à maman pour mon voyage. » L'étranger prit la bourse, après l'avoir vidée. « Attends-moi, dit-il, je vais revenir. » Il ne tarda pas à rentrer, tenant une bourse solide, en peau grise, avec un fermoir d'acier. Il reprit la monnaie de Jean, la remit dans un des compartiments de la bourse, mit dans un autre compartiment le papier sur lequel il avait écrit son nom et son adresse, et la donna à Jean en lui disant tout bas, de peur que Jeannot ne l'entendît, « Tu trouveras tes 20 francs dans un compartiment séparé. N'en dis rien à Jeannot, je te le défends. » Jean, « Je vous obéirai, monsieur, pour vous témoigner ma reconnaissance, mais j'aurais préféré que vous les eussiez gardés pour pauvre maman. Ta maman les aura, sois tranquille. Chut. Ne dis rien. Adieu, mon petit Jean. Bon voyage. » L'étranger serra la main de Jean et fit un signe d'adieu à Jeannot. Il leur remit encore un petit paquet et il se sépara d'avec ses 2 enfants, dont l'un ne lui plaisait guère et l'autre lui inspirait un vif intérêt. Quand ils furent partis, l'étranger se mit à réfléchir. « C'est singulier, dit-il, que cet enfant m'inspire un si vif intérêt. Sa physionomie ouverte, intelligente, douce, franche et résolue, m'a fait une impression très favorable. Et puis j'ai des remords de l'avoir effrayé au premier abord, ce pauvre enfant. Avec quelle candeur il m'a offert son petit avoir, tout ce qu'il possédait, c'était mal à moi. Et l'autre me déplaît énormément. Je suis fâchée qu'ils voyagent ensemble. Je les retrouverai à Paris. J'irai voir le frère Simon. Je veux savoir ce qu'il est, celui-là. Et si je le soupçonne mauvais, je ne lui laisserai pas mon petit Jean. il gardera l'autre s'il veut. Je fais un échange de bourse qui profitera à Jean. La sienne est décousue et déchirée partout. C'est égal, je veux la garder. Cette aventure me laissera un bon souvenir. Fin de la section 2.